Section 2. Chapitre 2. En quittant le chemin de fer, le char à bancs avait pris la route de la Roche-Bernard. Tant qu'on fut aux abords de la ville, croisant ou dépassant çà et là des voitures, M. de la Héraudière demeura silencieux, attentif seulement à la façon dont Charlotte conduisait ses chevaux qui, se sentant sur le chemin de leur écurie, détalaient grand train. Lorsqu'ils voyaient une voiture devant eux, ils allongeaient le trot pour la dépasser, et lorsqu'ils en entendaient une qui, venant derrière eux, menaçait de les rejoindre, ils partaient comme le vent. Bientôt on fut en pleine campagne. Les voitures devinrent rares, et les chevaux n'eurent plus qu'à courir droit devant eux sur la route, qui se montrait au loin libre d'obstacles. À moins de se jeter sur les tas de cailloux, ce qui n'était guère probable, il n'y avait plus d'accident à craindre. Alors M. de la Héraudière se tourna du côté de sa fille. « Tu vois toi-même, dit-il, comme les chevaux sont disposés à s'emballer. J'espère que tu comprends maintenant la sottise que tu as faite en venant de Vannes. » »« J'ai bien mieux compris ma sottise tout à l'heure, quand j'étais à Vannes même, dans la cour de la gare. »« Tu as été exposé à un danger ?» Il avait fait son observation sur le ton de la gronderie amicale, en père de famille qui s'impose une juste sévérité. Mais l'accent ému de son interruption montra combien cette sévérité était peu redoutable et combien il y avait de tendresse dans sa remontrance. « Le danger n'a pas été bien grand, répliqua Charlotte, mais l'ennui l'a été. « Quel ennui, que t'est-il arrivé? Vite, vite, mais parle donc vite !»« Les chevaux n'ont pas été méchants, mais ils n'ont pas non plus été bien sages. Ils se sont impatientés à attendre et ils ont fait leurs tours ordinaires. Ils ont reculé, ils ont avancé, enfin, ils n'ont pas voulu rester tranquilles, à leur place. Jusque-là, tout cela n'est pas bien grave, et tu vois que le récit de mes dangers n'est pas pour te faire frémir. Je n'ai pas perdu la tête, tu dois bien le penser, et je les ai tenus bons. Mais votre train entre en gare, et deux coups de sifflet éclatent brusquement. Ces pauvres bêtes, déjà assez inquiètes, s'effrayent et se cabrent. Il ne faut pas leur en vouloir, c'est bien naturel, n'est-ce pas, des sauvages ? Va donc. Voilà tout pour le danger. Maintenant, c'est l'ennui qui commence. Mais si tu voulais, j'aimerais autant ne pas te raconter cela. Parce que ? Pour rien. Monsieur de la Héraudière s'était tourné du côté de sa fille. Il la regarda et la vit rougir. Raconte comme tu voudras, et ce que tu voudras, dit-il, en détournant la tête. Seulement arrange-toi pour que je comprenne quel a été cet ennui dont tu parles. Eh bien, il faut que tu saches qu'un peu avant l'arrivée du train, un officier de marine était venu se camper devant les chevaux et devant moi pour nous examiner, comme si nous avions été trois bêtes curieuses. L'officier que j'ai vu sur le trottoir et qui a salué quand nous avons passé devant lui. Précisément, quand il a vu les chevaux se cabrer, il s'est jeté à leur bride. Il les a retenus, ce qui n'était pas très difficile et ce que j'aurais bien fait toute seule. Puis, quand les chevaux se sont calmés, il a voulu engager une conversation, avec moi, bien entendu, pas avec les chevaux. Enfin, j'ai vu le moment où il allait monter dans la voiture pour mieux me protéger. Heureusement, tu es arrivé. C'est tout? Tu trouves que ce n'est pas assez? Je trouve que c'est beaucoup trop, mais d'un autre côté, je ne suis pas fâché de cette petite aventure. J'espère qu'elle te servira de leçon. Tu sais, père, que si tu me grondes, cela fera la troisième fois pour la même chose. Une fois à la gare, une seconde fois tout à l'heure, et puis maintenant. « Eh, mon enfant, je ne veux pas te gronder. Tu sais bien que je suis le moins grondeur des pères. Seulement, je veux mettre cette occasion à profit pour te faire quelques observations que je crois utiles. » Sans répliquer, Charlotte se renversa en arrière et prit l'attitude résignée d'un enfant qui doit écouter une remontrance. « Assurément, poursuivit monsieur de la Héraudière, tu es une excellente petite fille que j'aime de tout cœur. » « Si c'est là ton observation, interrompit Charlotte en souriant, je suis tout oreille. » « Je parle sérieusement, cher enfant, et je dis en toute sincérité ce que je pense. Tu es la meilleure des filles, tu es ma joie, ma fierté, et jamais tu ne m'as causé un chagrin véritable. Tu as la bonté, la douceur, la tendresse. À un âge où les jeunes filles ne pensent ordinairement qu'au plaisir du monde, aux fêtes, à la toilette, tu es venue t'enterrer avec moi, au fin fond de la Bretagne, et tu n'as jamais fait entendre une plainte, ou même un regret. Oh, papa, gronde-moi, je t'en prie. J'aime mieux tes reproches, et c'est moi qui te les demande. J'y arrive. Tu es un peu comme la belle au bois dormant. Si à ton baptême, tu as eu cinq ou six fées qui t'ont fait des dons heureux, il s'en est par malheur trouvé une septième qui t'a fait un don fâcheux. C'est le manque de raisonnement, la réflexion, la prévision, autrement dit l'esprit de conduite. Lorsqu'une idée te passe devant l'esprit et te plaît, tu te mets à courir après elle sans t'inquiéter de savoir où elle te conduira, et surtout sans te demander par quel chemin elle le fera passer. Tu vois un but plus ou moins attrayant, et tu ne te demandes jamais quel danger tu auras avant de l'atteindre. Est-ce vrai cela ? C'est-à-dire ? Je n'exagère pas, mais je reste plutôt au-dessous de la vérité que je ne vais au-dessus. Malheureusement, je connais bien ce mauvais côté de ta nature. Que n'as-tu pris l'esprit d'ordre, de prévoyance et de calcul de ta mère, au lieu de prendre là ? Là ? Au lieu de prendre ce que tu as pris à ton père. Je sais comment cette idée de venir à Vannes, au-devant de moi, a surgi dans ta tête. Je peux te dire comment elle s'est formée et comment elle s'est développée. En recevant hier la lettre qui t'annonçait mon retour pour ce matin, tu as pensé que ce me serait une joie de t'apercevoir en descendant le chemin de fer. C'est vrai ? Alors tu as disposé ton plan. Tu viendrais avec Martin, tu conduirais toi-même et tu aurais Martin auprès de toi. C'était parfait. Je serais heureux de te voir 2 heures plus tôt, et tu serais heureuse, toi, de m'avoir fait plaisir. Mais voilà que l'indisposition de Martin se jette à travers ton projet. Il ne peut pas t'accompagner. Que vas-tu faire ? Une personne raisonnable, la fille de ta mère, par exemple, aurait prévu que nos chevaux, qui sont à moitié sauvages et qui n'ont pas travaillé depuis plusieurs jours, seraient disposés à se livrer à des caprices peu rassurants s'ils n'étaient retenus par une main vigoureuse, une main d'homme. De plus, cette personne raisonnable aurait prévu encore qu'une jeune fille de 19 ans qui se promène seule par les grands chemins, et surtout par les rues d'une ville, est exposée à des aventures pénibles. Toi, fille de ton père, tu n'as pas pensé à tout cela. Tu n'as pensé qu'à une chose, venir quand même au-devant de moi. C'est vrai. Et alors, comme Martin ne pouvait pas t'accompagner, tu as résolu de te passer de Martin. C'était bien simple. Et comme tu n'avais personne auprès de toi pour t'obliger à réfléchir ou pour te montrer les inconvénients d'un pareil projet, tu as fait atteler et tu es parti très fier, j'en suis certain, de la surprise que tu allais me faire. Mais oui, et très heureuse surtout. Je n'ai pas besoin que tu confirmes mes paroles. Je sais ce qui s'est passé en toi comme si de minute en minute j'avais lu dans ton esprit. Ainsi, je parie qu'en route, tu as regardé à ta montre plusieurs fois, mettons 5 fois. 5 ou 6 ? Tu avais peur d'être en retard, tu voyais le train arriver, tu n'étais pas là. C'est vrai, toujours vrai. Et tu pressais les chevaux, de sorte qu'au lieu d'entrer dans la gare quelques minutes avant l'arrivée du train, tu as eu longtemps à attendre. Combien de temps ? 25 minutes. Les chevaux se sont reposés, ils se sont ennuyés, ils ont voulu se distraire, ils se sont livrés aux plaisanteries en usage chez les jeunes chevaux. Et comme ils n'étaient pas retenus par la main vigoureuse qui était indispensable, ils s'en sont donnés au point de fatiguer et même d'inquiéter notre jeune fille. Là-dessus s'est produit l'incident des coups de sifflet, et comme un officier de marine se trouvait là par hasard, depuis assez longtemps déjà, regardant curieusement et peut-être effrontément cette pauvre fille toute seule, il a pris les chevaux par la bride, un peu pour les retenir, beaucoup pour pouvoir offrir ses services et entrer en conversation. Si bien que notre jeune fille, déjà fort mal à son aise de se donner en spectacle, s'est trouvée tout à fait embarrassée, véritablement confuse et honteuse, et qu'elle a juré, mais trop tard, qu'on ne la prendrait plus à venir toute seule attendre son père dans la gare de Vannes. « Ah non, je te le promets !»« Je n'ai pas besoin de ta promesse. La leçon, j'en suis sûre, produira ce résultat. Seulement je voudrais qu'elle en produisît encore une autre. » L'expérience serait peu de chose si elle ne nous servait qu'à nous empêcher de recommencer ce que nous avons fait une première fois, car chaque jour nous trouvons de nouvelles sottises à commettre, et notre vie se passerait ainsi à aller de sottises en sottises, sans être plus sages aujourd'hui que nous ne l'étions hier. Tu viens de voir à quoi l'on s'expose quand on s'abandonne à son premier mouvement, et quand, sans vouloir rien écouter, on suit son caprice et son désir. Eh bien, ma chère petite, fais ton profit de cette leçon pour l'avenir. C'est la grâce que je te souhaite, et c'est là que je termine ce sermon trop long déjà. Pas pour moi, je t'assure. Pour moi, au moins, qui n'aime pas à prêcher, et qui ne suis jamais si malheureux que quand je suis obligé de te faire une observation. Je tâcherai de t'en éviter les occasions, je te le promets. Je désire si ardemment te voir heureuse, ma chère fille, et notre bonheur, crois-le bien, c'est nous qui le faisons. Il est en nous seuls. Notre vie, c'est-à-dire la santé, la position, la fortune, nous n'en sommes pas maîtres. Au-dessus de nous, il y a les circonstances qui échappent à notre volonté. la fatalité qui nous écrase ou nous caresse, mais notre bonheur, je veux dire cet état de félicité intime qui est au-dessus des choses matérielles. Notre bonheur, nous le tenons dans notre main. Il dépend de nous de le garder ou de le perdre. Comme tu me dis cela, ta voix tremble. C'est que je suis très émue, mon enfant, très tourmentée. Qu'ai-je fait ? Ne te désole pas ainsi pour ce qui, en réalité, n'a été qu'une imprudence. Et ce n'est pas de cette imprudence qu'il s'agit. Je t'ai dit là-dessus ce que j'avais à te dire, et je ne veux pas y revenir. Ce qui me préoccupe et m'inquiète, c'est une chose plus grave. Celle-même qui doit décider ta vie, assurer ton bonheur ou ton malheur. Tu me fais peur ? J'ai quitté Liège avant-hier, aussitôt après la séance du congrès. Je suis venu immédiatement à Paris, où j'ai vu Georges. Lors de mon passage en allant en Belgique, il était absent. Hier, il était de retour d'un voyage en Bourgogne, où il avait été défendre un journal, et j'ai passé 24 heures avec lui. Eh bien, pourquoi tes mains tremblent-elles ? Mais elles ne tremblent pas, il me semble. Si, mon enfant, elles tremblent, en entendant parler de Georges, comme ma voix a tremblé il y a quelques minutes, quand j'ai parlé de ton bonheur. Soyons francs tous les deux, ni l'un ni l'autre ne cachons notre émotion, et puisque le moment est venu de nous expliquer sur Georges, faisons-le loyalement, sans réticence. Fin de la section 2.